La science CQFD, Natacha Triou. La 31e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer consacre un géant de la science-fiction, le cinéaste britannique Gareth Edwards. Il est notre invité. Son amour pour le genre est né enfant avec Star Wars. Depuis, il est le seul réalisateur à avoir mis en scène deux monstres sacrés du cinéma, Godzilla et Dark Vador. Rien que ça. Monster, Godzilla, Rogue One et The Creator, en seulement 4 films, il est le représentant d'une SF ambitieuse, novatrice, aussi grand public qu'exigeante. Scénario, réalisation, photographie, effets spéciaux, il met la main à la pâte. Partout, invente des montres, réinvente le film d'invasion d'extraterrestres et imagine le space opéra réaliste. Gareth Edwards, que la SF soit avec toi. Et bonjour le festival de Gérardmer. Bonjour d'être là, merci. Merci à vous d'être là avec nous, au cœur des Vosges, au village des skieurs. Gareth Edwards, bonjour. Bonjour. Mille merci d'être là avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Bonjour David Rowe. Bonjour. Merci à vous d'être notre traducteur, notre voix française. Merci à vous aussi qui nous écoutez depuis votre poste en direct ou à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. Au moment où vous écoutez cette émission, le festival de Gérardmer se poursuit à Paris à la Cinémathèque française. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur X, ex-Twitter. Chaque jour, on vous poste de nombreuses ressources supplémentaires. C'est sur notre fil @sciencecqfd. Alors comment vous vous y prenez pour ressusciter les créatures mythologiques du 7e art? Comment est-ce que l'on écrit un nouveau chapitre de la saga Star Wars? Quelles sont vos méthodes de réalisation pour mettre en scène ces films visuellement époustouflants? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à toutes ces questions. Mais d'abord, Gareth Edwards, hier soir, lors de cette soirée hommage, Jean-François Roger, le directeur de la programmation à la Cinémathèque française, vous a comparé à l'héritier direct de Georges Méliès. Est-ce que vous vous réclamez de cet héritage? Est-ce que vous vous sentez le petit-fils direct de Georges Méliès? Maybe there's a family resemblance. Peut-être qu'il y a une ressemblance, peut-être familiale, je ne sais pas. But no, the person they described on stage la last personne night qui a été sounded very cool, sur scène, but was not me whatsoever. C'était vraiment quelqu'un de cool, mais c'est I pas feel moi like en fait. Fraud, j'ai like l'impression de I always feel que like c'est une fraude en fait. Je ne devrais, ça ne devrait pas être moi. Je ne suis pas vraiment un réalisateur. J'aimerais bien en être un, mais je suis un petit enfant de 4 ans qui rêve de faire un film de Star Wars à l'écran. C'est ça en fait que je suis. Mais non, mais qu'est-ce que c'est alors dans ce cas un vrai réalisateur? Oh, I mean, they're really, we're just professional liars. On est really. Des menteurs professionnels, en fait, vraiment. It's you get to dream out loud, you know. Vous pouvez rêver et vous pouvez rêver à voix haute, c'est ça. Vous considérez le cinéma comme une grande illusion? Yeah, I actually, I mean, I'm very biased, but I think cinéma, it's the highest art form. C'est une la forme la plus élevée parce qu'elle combine really, toutes les autres like, formes d'art. Literature, la littérature, and, photography, la photographie, you know, music, la musique, performance, you know, all together in one la performance, art. Tout est mélangé ensemble en une seule forme d'art. Moments in et le famous cinema, meilleur moment, les meilleurs moments to put into words, dans le cinéma, c'est très difficile de l'écrire avec des mots. C'est très difficile d'écrire ce qu'on ressent. Et lorsque je fais des films, eh bien, c'est ça que j'essaye de faire. C'est ça, de tout mélanger de manière harmonieuse. On va parler justement de votre amour pour cet art et de votre filmographie. Et puis on va partir du début. Vous êtes né en 1975 en Angleterre. Votre amour pour ce genre, il est né donc avec La Guerre des Étoiles. Vous racontez que vous avez grandi avec cette saga. Quels souvenirs vous en avez plus précisément? Est-ce que vous vous souvenez d'un moment précis où vous vous êtes dit, tiens, plus tard, quand je serai grand, c'est ça que je veux faire? So I was born in 1975. Je suis né en 1975 et La Guerre des Étoiles est sortie en 1977, j'avais 2 ans. Alors je ne me rappelle pas exactement de la première fois où j'ai vu La Guerre des Étoiles, mais je me rappelle que mes parents m'ont acheté un magnétoscope Betamax. C'était juste avant les VHS. Et la toute première chose que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la maison d'un de mes voisins. Et il y avait la cassette, et on a mis la cassette dans le lecteur, et la cassette est restée dans le magnétoscope pendant des jours et des jours et des jours, et c'est pas sorti, je l'ai revu et revu encore et encore. Et presque immédiatement, j'ai compris que c'est ça que j'allais faire quand je serai adulte. Je voulais devenir Luke Skywalker. Je voulais battre Dark Vador et faire partie de l'Alliance Rebelle. Et puis après, j'ai découvert qu'en fait, c'était pas possible, parce que ça s'appelait ce qu'on appelle un film. Je ne savais pas, je ne connaissais pas. et c'est fait par des gens qui mentent et qui créent des choses qui n'existent pas. Donc je me suis dit, ben, je vais devenir menteur moi-même. Vous ne croyez pas au Père Noël, mais vous croyez à Dark Vador, donc. Yeah, oui. I prefer Santa Claus en fait, to appear le Père Noël once a year, but I got very une lucky fois I got par an, to meet Darth Vader. J'ai eu la chance parce que j'ai rencontré Darth Vader. J'ai dirigé Darth Vader dans Rogue One. He didn't give me any presents, il ne m'a pas donné de cadeau, par contre. But actually, I did steal something from the movie. J'ai volé quelque chose. J'ai volé les plans de la guerre de l'étoile noire. Donc chez moi, j'ai les plans, les vrais plans de l'étoile noire. Ils sont chez moi. Et je ne les rendrai jamais. Enfin, comment vous avez donc cette révélation? Vous vous dites, vous vous posez la question, comment est-ce qu'on devient un réalisateur? Comment je parviens à ce but? I'm from the middle of England, and je viens du milieu de l'Angleterre, et je ne savais pas comment faire un film, comment rentrer là-dedans. Alors j'ai lu beaucoup de livres sur comment faire des films. Je me suis intéressé à des gens comme Steven Spielberg. Je suis allé dans une école pour apprendre à faire des films. Je suis allé dans des festivals comme celui-ci. Et voilà. Et moi, j'ai lu que Spielberg avait fait ça et qu'on lui avait proposé de faire des films. Je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Alors, j'ai fait un petit film. Et puis en fait, non, rien ne s'est passé. On m'a pas proposé quoi que ce soit. Ça s'est pas passé comme ça pour moi. Et moi, j'ai discuté de ça avec la personne qui partageait l'appartement avec moi. Et Jurassic Park est sorti à cette époque-là, et c'était clair dans les années 90 qu'il allait se passer quelque chose avec les effets spéciaux. Donc mon colocataire m'a expliqué comment faire. Je me suis dit, il fallait que je fasse ça. Ça, c'est l'avenir. Donc je vais étudier les effets spéciaux. Et puis 10-15 ans plus tard, j'étais encore en train de faire des effets spéciaux. Donc mon plan pour devenir réalisateur, ben ça marchait pas. Je me suis dit que j'allais passer toute ma vie à faire ça, en fait. En fait, pour devenir cinéaste, pour devenir réalisateur, que vous mettez la main à la pâte aux effets spéciaux. Oui, en fait, je pense que chaque génération, il y a tout à coup quelque chose qui est un nouveau moyen de devenir réalisateur. Moi, j'étais très jaloux des générations qui m'ont précédé. Et j'ai pensé que j'avais loupé l'opportunité pour devenir réalisateur. Et puis tout à coup, cette nouvelle technologie est arrivée et a libéré toute une génération de nouvelles personnes qui voulaient devenir réalisateurs. Et voilà. Et moi, je me suis dit, avec un tout petit peu d'argent, on peut faire des effets spéciaux. On a l'impression que ça coûte énormément d'argent. Et donc ça, c'était la chance pour moi. Et peut-être qu'il y aura une autre chance plus tard. Alors, vous avez donc fait une faculté d'art en Angleterre. Pour votre projet de fin d'études, vous mélangez donc prise de vue réelle, effets spéciaux digitaux. Puis vous faites vos armes en travaillant sur des documentaires britanniques. Vous travaillez sur des docu-fictions. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience? Quel apprentissage cela représente pour un auteur de science-fiction? J'ai vraiment pensé que j'avais en fait perdu mon temps, que j'avais gâché ma vie. Est-ce que vous avez vu Karate Kid? Non. Dans Karate Kid, il y a le vieux Miyagi qui lui apprend à mettre du cirage sur les carrosseries des voitures, à faire comme ça avec la main gauche, avec la main droite, etc. Et en fait, c'est très pénible. Il faut qu'il fasse ça tous les jours. C'est super chiant. Et il a l'impression qu'il est en train de gâcher sa vie. Et un jour, il se fait attaquer par quelqu'un, il se rend compte que les gestes qu'il a fait des milliers de fois en s'occupant des carrosseries des voitures, eh bien, c'était des gestes de karaté. Il l'avait appris sans s'en rendre compte. Et ça lui a appris une leçon de vie très importante. Et pour moi, les effets spéciaux, c'était exactement comme ça. J'avais la sensation. Quand vous êtes en train de travailler sur des effets spéciaux, ça prend beaucoup de temps à faire. C'est très très long. Et donc vous apprenez de manière très douloureuse, très lente, et puis également en faisant des erreurs. Mais une fois, longtemps après, j'ai pris une caméra pour filmer quelque chose et je me suis rendu compte qu'en fait, je me suis rendu compte qu'au lieu de prendre la journée entière pour faire un plan, tout ce que j'avais fait avant, finalement, sans m'en rendre compte, m'a aidé à être beaucoup plus rapide. Et je me suis rendu compte que ces 10 ans que j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps pendant 10 ans, ça m'a énormément aidé, énormément appris. Et pour faire un film, c'était beaucoup plus facile, plus rapide qu'auparavant. Lors du concours le 48 Heures Film Project en 2008, vous gagnez le premier prix avec le court-métrage Factory Farm. Quelle était l'idée, le projet justement de ce court-métrage? L'idée, c'était que vous arrivez un samedi matin et vous devez rendre un court-métrage terminé le lundi matin. Donc ça fait un jour. Vous tirez le titre d'un sac, vous avez l'accessoire, vous avez quelques lignes de dialogue, et puis après, voilà, il faut se débrouiller. Alors j'ai fait un truc de science-fiction. Mon premier métier à Londres, c'était d'aller d'une station très futuristique à l'autre. Et j'avais un ami qui était comédien, et mon neveu, je les ai appelés, on a fait donc ce petit court-métrage, qui était presque de l'improvisation. Et quand j'ai fait La Guerre des Étoiles, il y avait une séquence, et on avait une immense base impériale, et on s'est rendu compte qu'on n'allait jamais pouvoir faire ça parce que c'était trop grand, trop gros. Mais puis il s'est rappelé de ce qu'il avait fait dans ce fameux court-métrage. Donc on a filmé la nuit avec des stormtroopers, avec des soldats rebelles, et on a filmé dans cette même station. C'était une leçon qui m'est restée finalement et que j'ai réutilisée par la suite. Oui, c'est ça, c'est qu'à ce moment-là, vous prenez conscience qu'on peut réaliser un film avec peu de moyens et avoir de l'envergure cinématographique et raconter une histoire de SF. Je pense que le grand problème aujourd'hui, c'est que quand vous réfléchissez sur un film, vous faites des images, des dessins conceptuels, et quand c'est de la science-fiction, vous ne pouvez pas trouver ces endroits dans la réalité. Donc il faut construire des décors, des studios, et puis mettre un fond vert derrière. Et puis à un moment donné, vous vous rendez compte qu'en fait, vous allez faire tout le film avec un fond vert, et c'est frustrant. Et c'est frustrant également pour les acteurs. Et moi, j'ai toujours eu envie de filmer un maximum de choses dans le monde réel. Et le film qu'on a fait, par exemple, il a été fait dans énormément de pays. En Thaïlande, par exemple, on a trouvé beaucoup d'endroits différents. Et on a essayé d'utiliser le moins de fond vert possible. Parce que c'est un peu... C'est pas du jeu. Et puis les comédiens, il faut essayer de les mettre dans les environnements réels. Et tout le monde est beaucoup plus heureux. Le jeu des acteurs est meilleur, le film est meilleur. Et donc je sais pas pourquoi personne ne le fait finalement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui tournent sur fond vert, et c'est dommage. La bonne SF finalement, elle se retrouve dans la réalité, dans la vie de tous les jours presque. Je pense que plus la situation est incroyable, fantastique, et plus on veut que ça ait l'air réel pour le public. Moi j'ai grandi où les nouvelles technologies commençaient. Et quand j'ai voulu commencer à être un réalisateur moi-même, la chose que je pouvais faire, si vous êtes en train d'essayer de faire un film, ça va avoir l'air trop amateur, ou alors comme un documentaire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films du début des années 2000, comme le projet Blair Witch, par exemple, District 9, de Neil Blomkamp. Ce sont des films qui mélangent des caméras pour monsieur tout le monde, mauvaise qualité, avec le genre de science-fiction, ce qui fait intervenir la vie de tous les jours, en tout cas la science-fiction dans la vie de tous les jours. Et c'était ça qui était intéressant au début des années 2000. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. Vous écoutez France Culture et l'ambiance qui règne au Festival International du Film Fantastique de Gérard May. Voilà, avec le clocher qui sonne, c'est magique. Nous avons la chance de nous entretenir une heure avec le cinéaste Gareth Edwards, l'un des réalisateurs de Star Wars. Gareth Edwards, on vient de parler de votre amour pour cet art, de comment est née votre vocation de devenir réalisateur. En 2010, vous réalisez votre premier film, votre premier long métrage à l'âge de 35 ans, avec une équipe technique réduite, 5, plus 2 acteurs. Vous vous occupez du scénario, de la photographie, des effets spéciaux. Vous faites tout vous-même presque. Est-ce que ça vous a permis ça ? C'était en fait curieusement plus facile d'avoir une toute petite équipe, parce que lorsque vous travaillez sur une émission télé, un film, mais très gros, eh bien, vous voyez ça comme une très grande chance, par exemple. Il y a un coucher de soleil qui est très beau, vous voulez y aller très très vite, vous ne pouvez pas le faire, parce que vous avez des tonnes de gens, des tonnes de matériel, et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes coincé. Alors que quand on n'est que 5, on fait ce qu'on veut. Et donc, c'est assez curieux, finalement. Moins vous avez d'argent, moins vous avez d'équipe, et plus c'est facile. Et donc, quand on n'était que 5, on était dans un van, et puis on a été se balader d'un endroit à l'autre. Et à chaque fois qu'on arrivait dans une ville, on demandait aux locaux, est-ce qu'il y a un truc qui est sympa, un truc qui est impressionnant? Et puis là, ils nous disaient, là, il y a eu une inondation, il y a eu un feu. Et là, immédiatement, on y allait, on faisait un film, et ça nous permettait de mettre tout ça en boîte très vite. Et donc, on était ouvert à tout. Et tous les gens dans le film, à part les deux comédiens principaux, c'était des comédiens locaux. Donc voilà, on pouvait faire tout ça parce que justement, on n'avait pas beaucoup d'argent. Oui, puisque pas beaucoup d'argent, c'est un tout petit budget, hein, 500 000 dollars, c'est à peine les frais de cantine d'une journée de tournage d'une production hollywoodienne. Tourner à si bas coût, on peut se dire quand même que c'est un défi. C'était sans doute une des choses les plus créatives que j'ai fait finalement, si je suis honnête. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été téléporté presque dans les. Je suis presque arrivé tout en haut de l'échelle parce que juste après ça, on m'a proposé de diriger Godzilla. Voilà, et tout ce qui était facile à faire sur Monsters est devenu difficile à faire sur Godzilla et vice versa. Tout s'est inversé. Donc les problèmes se sont inversés finalement. Godzilla, là, Monster, vous aviez toujours voulu faire un film de monstre ? Doesn't everybody? Mais je crois que tout le monde a envie de faire un film de monstre. Are there kinds of films? I've heard about them. Est-ce qu'il y a d'autres genres de films que les films de monstres ? Parce que lui, en tout cas, c'est ça qu'il voulait faire dès le départ. Parce que là, les monstres, en plus, la particularité de Monster, c'est un film de monstres presque sans monstres. Ils sont comme en toile de fond. Est-ce que vous aviez la volonté de réinventer justement le film d'invasion d'extraterrestres ou le film de monstres ? Je pouvais pas les faire en fait, parce que j'ai fait tous les effets spéciaux moi-même. Et dans ce film-là, il y avait 250 plans truqués. C'est beaucoup quand même. Et j'avais vu des films comme Les Dents de la Mer. Et quand on voit le requin pour quelques minutes, vous le voyez pas en fait déjà pendant une heure dans le film. Et il a été projeté hier pendant le festival de journée. Et je suis allé dans un festival pendant que j'étais en train de faire Monsters. Et après avoir fait voir le film Monsters, quelqu'un est venu me voir et s'est plaint. Vous ne pouvez pas appeler votre film un film de monstres, parce que vous faites voir le monstre juste à la fin du film. Mais c'est pas bien. Et j'ai dit, vous devriez pas aller voir le Magicien d'Oz. Ou Alien même. Ou Alien, ou Jaws, ou Jurassic Park. Ou Les Dents de la Mer, ou Jurassic Park, ou tous les grands films où il y a un monstre, parce qu'ils sont toujours pareils finalement. Comment vous avez pensé le design justement de vos créatures? I actually bought a little pet crab. J'ai eu un animal de compagnie, un crabe, et puis je l'étudiais. Je l'ai appelé Stewart. Et j'ai pensé que ce serait drôle, en fait, que mon crabe ait un nom typiquement britannique. Et donc, Stewart est devenu mon ami, très cher. Et j'ai basé beaucoup des animations des monstres sur Stewart. Il n'est plus avec nous, malheureusement. Pensez à Stewart. Dans ce film, les monstres, en effet, sont comme confinés dans une zone à la frontière des États-Unis. Bon, c'est un film qui est très différent du vôtre, mais est-ce que Monster marche sur les traces, dans les traces de District 9, paru un an plus tôt, en 2009? Est-ce qu'on peut aussi voir une parabole politique dans votre film? On me demande assez régulièrement s'il y a un message politique dans mon film. Moi, je ne me je ne me considère pas comme quelqu'un de très politique. Ça ne parle pas d'un conflit spécifique, mais je crois que c'est important qu'un film, surtout les films de science-fiction, soit un peu comme des métaphores de ce qui se passe dans le monde réel. Et, j'ai cherché les analogies qui pouvaient exister avec les conflits réels. Et le problème, c'est que quel que soit le sujet que vous allez choisir, il y a un moment donné, ça ne sera plus en phase avec ce que les gens vivent et connaissent. Et donc, dans le film qu'on vient de faire, par exemple, The Creator, les gens disent « Ah, vous avez voulu parler de la guerre en Ukraine, par exemple. » Mais si jamais le film était sorti un peu plus tard, les gens auront dit « Ah, vous êtes en train de parler de Gaza. » Mais la nature humaine fait que les mêmes choses, les mêmes problèmes finissent par se répéter. Donc, si jamais vous parlez de quelque chose qui est intemporel, juste le comportement humain, eh bien, vous allez le raccrocher à quelque chose de politique. Mais ce n'est jamais vraiment le cas. C'est quelque chose de plus universel et d'intemporel. Mais voilà, mais si jamais je vous dis que c'était ce que j'ai voulu faire, je vais passer pour quelqu'un de plus intelligent que je ne le suis en réalité. Il ne trompe personne en prétendant que ce qui s'est passé était une catastrophe naturelle. Ce n'était pas un tremblement de terre. Ce n'était pas un typhon. Ils mentent. Je ne suis pas cinglé. Cette chose qu'ils protègent si précieusement, il faut que j'arrive à prouver que ça existe. L'arrogance de l'homme, c'est de penser que nous contrôlons la nature. Alors que c'est l'inverse. Je sais que beaucoup d'entre vous ont une famille et des proches. Et que vous voulez les aider. Le moment est venu. Créature universelle, donc Godzilla, Gareth Edwards. Du cinéma indépendant, vous passez ensuite immédiatement au blockbuster hollywoodien. Fin 2010, la Warner vous contacte pour mettre en scène donc Godzilla, qui sortira en 2014. Alors comment on se saisit d'une telle figure quand on est occidental? Comment vous y êtes pris pour faire votre propre film, votre propre Godzilla? C'était difficile. La réalité, c'est que Godzilla, c'est une métaphore d'Hiroshima, le Hiroshima original. Et après la guerre, au Japon, ils n'avaient pas le droit de faire des films qui traitaient de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, ils ont fait ça, en fait, cette métaphore. Et donc, Hiroshima, c'était ça aussi, ce désastre nucléaire, et ce monstre arrive, un monstre nucléaire radioactif et qui détruit tout. Donc c'était vraiment ça, la métaphore. Et ça ils ont eu le droit, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas compris en fait la métaphore. Et donc moi, j'essayais de retrouver cette dynamique, et quand on était en train de développer le film, le désastre de Fukushima est arrivé. Et donc c'était exactement pareil, une espèce de menace incroyable qui est venue de la mer et qui a projeté ce désastre nucléaire. Et quand on a commencé à faire le film, c'était presque trop inconfortable, trop dérangeant pour nous, réalisateurs occidentaux, de traiter de ça. Mais quelque chose dont je suis moi-même fier, c'est qu'on a eu l'aide du département de la défense, donc la marine américaine, l'armée, qui nous a aidés à faire le film. Et on a réussi à faire passer dans le film un discours qui a été prononcé par le comédien Ken Watanabe, qui est américano-japonais. Ses parents sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, et dans le film, il raconte une histoire qui est très proche de son histoire à lui, qui expose tous les regrets d'Hiroshima. Et ce discours, le fait de le laisser dans un film américain soutenu lui-même par l'armée américaine, réussir à faire ça, parce qu'à l'époque, personne ne s'était vraiment rendu compte du sous-texte, et ça, c'est quelque chose dont je suis moi-même très très fier. Le film original est sorti en 1954. En 2014, votre film, c'est le 30e Godzilla. C'est un épisode anniversaire aussi. Quel est votre lien affectif à ce gros lézard? C'est une créature que vous aimiez plus jeune aussi? C'est étrange parce qu'on a redesigné Godzilla pour ce film. Ce qui s'est passé, c'est qu'en tant que fan de science-fiction, moi-même, je suis allé dans beaucoup de magasins, des magasins de bandes dessinées, de poupées, de trucs. Et je voyais toujours un Godzilla quelque part. Dans l'aéroport, par exemple, en venant ici, il y avait encore Godzilla sur la couverture d'un magazine. Et moi, maintenant, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est mon enfant qui est parti de la maison et puis qui vit sa vie. Il a été à l'université, il a acheté une maison pour son enfant, mais il se débrouille bien dans la vie. Et puis, de temps en temps, il a des nouvelles, comme ça, il le voit ici et là. On ne se parle plus, mais bon, il est encore très cher à mon cœur, mais il est très occupé. J'ai beaucoup de fierté. Il est très occupé. Vous avez vu par la suite Shin Godzilla sorti en 2016 ou même le dernier Godzilla Minus One par Takashi Yamazaki? Yeah, Godzilla Minus One. Godzilla Minus One, oui. Yeah, I got to see that in Japan. Je l'ai vu au Japon. We did publicity for the film On a été faire de la promotion au Japon pour le dernier film que j'ai fait. J'ai rencontré le réalisateur de Godzilla. On a discuté de la manière dont il a fait le film, évidemment. C'était très... On n'avait que 15 millions de dollars. Un petit Godzilla budget. For 150 million. So 10 times more. They made it for 15. Notre film avait coûté 15 millions de dollars et le dernier, donc Godzilla, celui dont vous avez parlé, le japonais, il a été fait pour 10 fois plus. Donc c'était pas du tout la même échelle. Alors là encore, parti pris de mise en scène sur ce Godzilla, spectacle de monstres, mais du point de vue des êtres humains, il est évoqué par petites touches. Et il y a aussi beaucoup de plans réalisés, caméra à l'épaule. Comment vous avez fait justement ces choix de mise en scène? C'est très difficile de faire un film quand le personnage principal est un animal de 30 étages de haut. C'est un vrai problème, en fait. Et donc, il faut penser ce film, comment on va le filmer? C'est plus comme un film de désastre, un film catastrophe, comme un film de tornade, par exemple. Il faut trouver quelque chose d'humain, l'histoire des familles, le contexte familial. C'est pour ça que Bryan Cranston, le père, intervient dès le départ du film. Et on voulait également garder beaucoup de choses du film japonais. Donc, ce père, Bryan Cranston, il travaille au Japon, dans une station. Et c'est une histoire du rêve de l'homme de contrôler la nature, qui, en fait, au final, n'y arrive jamais. Et ça se termine en désastre. We'll be right back. de l'Empire flotte dans toute la galaxie. On peut vous enlever les menottes ? Finissons-en, s'il vous plaît. On a une mission à te confier. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire. Si c'est vraiment ça que tu fais, je veux participer. D'accord. D'accord. Il y a longtemps que je recrute pour la rébellion. Ils ont tout détruit! Je me bats contre l'Empire maintenant. Il y a 97,6% de probabilité pour que ça échoue. Il a de bonnes intentions. C'est l'occasion pour nous d'inverser le cours des choses. Vous êtes avec moi ? Jusqu'au bout. Après Godzilla, vous êtes contacté pour réaliser un nouveau chapitre de Star Wars, Rogue One. Ça, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Est-ce que vous vous souvenez des premiers jours de tournage ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu, vos émotions ? Je ne sais pas, la première fois, par exemple, vous retrouvez avec des Stormtroopers. Comment vous avez vécu ça ? Très étrange parce que la première semaine, ou la deuxième, quand j'étais sur le tournage de Star de la Guerre des Étoiles, c'est incroyable. On n'y croit pas, en fait. On a l'impression d'être à Disney World. Et puis tout finit par devenir normal, on finit par s'être... Et en fait, on finit presque par... Ça devient presque ennuyeux, ce qui est étrange. Là, il y avait des amis qui venaient rendre visite parce que quand on fait un film de Star Wars, tout à coup on a beaucoup d'amis, et donc les amis venaient rendre visite. Et moi, je me rends pas compte, en fait. Et à la fin du tournage, il y a une séquence célèbre. Darth Vader tue tout le monde avec son sabre laser dans un couloir, la séquence qu'on voit partout du film. Et moi, j'ai vraiment de la chance en tant que réalisateur parce que j'ai été aidé par Peter Jackson, qui m'a laissé passer 2 semaines sur le tournage du Hobbit en Nouvelle-Zélande. Et donc, j'ai pu voir comment il travaillait, etc. Beaucoup de chance. Et je me suis dit, je ne pourrais jamais lui rendre l'appareil, c'est Peter Jackson quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Peter Jackson ? C'est pas possible. Et puis, il a pensé, il s'est dit, « Ah, mais attends, je vais tourner un film, il y aura Darth Vader, peut-être qu'il a envie de venir. » Donc, j'ai envoyé un texto à Peter Jackson et je lui ai dit, « Est-ce que tu veux venir voir Darth Vader ?» Et Peter Jackson, il répondait pas aux emails, généralement. Et lui, il dit, « Voilà, dans très peu de temps, on va filmer Darth Vader. » Et là, tout de suite, il a dit, « Je monte dans la voiture, j'arrive. » Il a conduit sa voiture directement au studio de Pinewood et on allait faire cette fameuse séquence où Darth Vader a son sabre laser qui s'allume et voilà, il le porte, il a son casque, il y a tous ces gens, etc. Une bonne centaine de gens qui étaient là parce qu'ils voulaient voir Darth Vader. Et Peter Jackson était là, hey, « qu'est-ce que tu fais ?» Et c'était incroyable, parce que tout à coup, c'était action. Et dans cette pièce-là, tous les gens étaient en train de se dire, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer, je suis en train de voir Darth Vader. Ils étaient vraiment là. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Je suis debout à côté de Peter Jackson, en face de Darth Vader. Et moi à ce moment-là, c'était à la fin du tournage, j'en avais marre des Stormtroopers. Mais il y avait Peter Jackson à côté de moi, alors voilà, l'excitation est revenue, parce que pour moi, Peter Jackson, c'est un dieu du cinéma. Et lui donner cette émotion, pour moi, c'était incroyable. Et quel conseil vous a donné justement Peter Jackson pour filmer Dark Vador ? Puis d'ailleurs, comment ça se filme aussi, un Dark Vador ? Le meilleur conseil qu'il m'ait donné, je l'ai vu faire, en fait. Il ne dit pas couper. Il dit action. En tant que réalisateur, généralement, on dit action et on dit couper. Ce qui se passe, c'est que quand on dit couper, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui essaient de réparer les trucs, de modifier un éclairage. Et quelqu'un voit le maquillage, ah bah finalement, peut-être que ça, on va le bouger par là, bouger un truc à droite, à gauche. Et vous regardez votre montre, et il y a 10, 15, 20 minutes qui passent avant que vous puissiez faire une autre prise. Et c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est pour ça qu'on prend beaucoup de retard. Et Peter Jackson, lui, il dit jamais couper. Donc en fait, pendant une heure, il est en train de faire la séquence, il dit jamais couper. Mais il y a les gens quand même qui viennent. Et comme ça, vous pouvez travailler très très vite. Et depuis que je l'ai vu faire ça sur tous mes films, je dis pas couper. Tout le monde devient dingue, mais ça marche. Alors comment on s'y prend pour manipuler un univers tel que celui de Star Wars, une mythologie bien installée? Comment on place de la créativité au sein d'un monde déjà si connu des fans? C'est très difficile, je crois, parce que George Lucas a fait quelque chose de parfait, concrètement, avec la première trilogie. Mais je crois que on était en train de faire un prequel, quelque chose qui se passait avant le premier Star Wars de 77. L'idée de Star Wars, c'est un garçon qui vit dans une ferme, qui rêve d'aller faire la guerre. Alors, on a pensé, si on allait faire l'inverse, une fille qui vit dans une guerre et qui rêve de retourner à la maison, exactement l'inverse. Et donc, c'était un peu faire un miroir du film que tout le monde connaît. Parce que le canevas est infini, on peut faire ce qu'on veut, n'importe quoi, quelque part, si on part vraiment très loin. Mais on peut voir Rogue One donc comme un space opéra réaliste. C'est en effet un film de guerre. Côté réalisation, ça, c'est des leçons que vous avez tirées de vos précédents documentaires historiques? I guess so. Oui, je pense. I think it's very hard to bring something new to the table. C'est très difficile d'amener quelque chose de nouveau sur la table quand on a un univers comme Star Wars entre les mains. And I think, je crois, as a child, en tant qu'enfant, je regardais des films comme La Guerre des Étoiles et quelque part, ça donnait envie d'aller faire la guerre parce que dans le film, c'est une expérience incroyable. Mais en tant qu'adulte, vous apprenez assez vite que la guerre, ça n'a rien de romantique, que c'est quelque chose d'affreux. Et donc, en tant qu'adulte, en tant que faire La Guerre des Étoiles, peut-être qu'on pouvait apporter ça en tant que chose nouvelle, de faire voir la réalité de la guerre. Alors évidemment, s'il y a des gens qui n'ont pas encore vu Rogue One, je ne veux pas en dire trop, mais dans le film, il y a beaucoup de personnages qui ne survivent pas jusqu'à la fin, ce qui est la réalité de la guerre. Et puis de toute façon, la plupart des personnages, on savait qu'ils allaient mourir, puisqu'ils ne sont pas dans les films suivants. Donc, voilà, le constat était clair. Est-ce que vous aviez eu peur de la réaction de George Lucas? Yeah. Oui. I didn't get to meet George too much. Je n'ai pas rencontré George très souvent parce qu'il était déjà à la retraite quand j'ai fait ce film. Ryan Johnson était en train de faire Le Dernier des Jedi, qui était donc la suite de la Force Awakens, du Réveil de la Force. Et il y avait une espèce de rivalité amicale entre nous. Et ce film, c'était l'équivalent d'essayer de faire mieux que l'Empire Contre-Attaque, ce qui, à mon humble avis, est le meilleur Star Wars jamais fait. Mais nous, c'était le premier film qui n'était pas dans la continuité, mais... Alors, oui, voilà, c'était ce qu'on appelle le Holiday Special. Holiday Special, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des espèces de Star Wars un petit peu plus courts qui sont faits à la télévision américaine et qu'on ne connaît pas beaucoup en France. Donc, on l'a envisagé comme ça. And so, as a joke, like, just to make myself feel more relaxed, I had poster of the Holiday Special. Et moi, j'avais des posters des Holiday Special de La Guerre des Étoiles dans mon bureau. Et c'était une blague. Je me disais, il faut que je fasse mieux que ça. Mais bon, ce sont des shows télé qui ne sont pas de très très grande qualité quand on les compare avec les vrais Star Wars. Et un jour, j'ai eu un coup de téléphone. C'était George Lucas est ici et il voudrait dire bonjour. Et donc il rentre dans mon bureau et il voit que j'ai le poster du Holiday Special sur le mur. Et là, j'étais vraiment gêné. Et j'essayais de lui parler d'autre chose de manière à ce qu'il se tourne et qu'il ne voit pas le poster derrière. Alors je bougeais beaucoup, je bougeais les bras pour être sûr qu'il ne regarde pas le poster de ce truc pas terrible derrière moi. Je ne sais pas s'il l'a vu, s'il s'en est rendu compte, je ne sais pas. Mais c'était un moment assez c'est surréel pour moi parce que je voulais faire voir le plateau de tournage d'un film de la Guerre des Étoiles sur lequel George Lucas n'avait rien à faire, on lui avait pas demandé son avis et c'était très très bizarre pour moi. Mais il était content de votre film. On a fait une conférence de presse à la fin, avant que le film sorte. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pendant que j'étais en train de répondre à une interview et quelqu'un m'a dit « George Lucas est au téléphone, il veut parler avec toi ». Et moi je me suis dit « Oh !» Et là tout à coup il y a un maître qui va je vais avoir des problèmes. Et pour moi c'était tellement important, je me suis dit ça va être le moment plus important de ma vie, alors il faut que je me rappelle de tous les mots qu'il va me dire. Je savais qu'on allait me poser la question, qu'est-ce qu'il t'a dit ce jour-là ? Alors je me suis mis en mode enregistrement, et tout ce dont je me souviens aujourd'hui, c'est qu'il était très gentil au téléphone, mais qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Aucune idée. C'est parti. Parce que c'était un rêve qui est devenu réalité, et mon magnétoscope interne n'a pas marché. C'est quoi le paradis ? Un endroit paisible dans le ciel. Toi, tu vas y aller au paradis? Non. Il n'y a que les personnes gentilles qui y vont. Alors, on est pareil. On peut pas aller au paradis parce que toi, t'es pas gentil. Et moi, je suis pas une personne. Viens me chercher. Disons que je suis ton garde du corps. Je vais te sortir de là. En 2023, retour au cinéma indépendant Gareth Edwards. Vous écrivez et réalisez votre quatrième long métrage, The Creator. Vous êtes à l'origine du scénario. C'est un voyage initiatique qui met en scène un conflit entre humains et robots. C'est un road trip SF à travers l'Asie. Faire de la SF, la ramener au Vietnam, dans 8 pays d'Asie du Sud-Est. Comment vous est venue cette idée ? Vous avez tourné en Thaïlande, dans 80 lieux différents. Pourquoi ce choix ? L'histoire est née de plusieurs points différents, en fait. J'étais en Thaïlande. J'étais en train d'essayer de prendre des vacances, mais bon, j'écrivais aussi un film. Et un ami à moi, il a fait un film qui s'appelle Skull Island, un film de King Kong, qui a été tourné au Vietnam. Et mon ami m'a dit, il faut absolument que tu ailles au Vietnam, il faut absolument que tu viennes, je vais te faire voir le pays, c'est incroyable. Alors j'y suis allé. Et à ce moment-là, j'avais envie de faire un film de robot. Il y a trois types de films de science-fiction. Les films qui se passent dans l'espace, les films de monstres et les films de robots. Et moi, j'avais déjà fait un film dans l'espace, un film de monstres. Je me suis dit, il faut que je fasse un film de robot. J'étais au Vietnam. Et quand vous êtes là-bas, vous êtes obligé de penser aux films de Vietnam. Les films de guerre du Vietnam. Et quand vous avez cette image en tête, et vous voyez les temples, vous voyez les fermes, vous imaginez les robots dans ces endroits-là, et c'est devenu très intéressant. Et je me suis dit, j'ai jamais vu de film comme ça, qui soit à la croisée des chemins, entre Blade Runner et Apocalypse Now, un film de guerre avec des robots. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose ici, dans ce monde incroyable. Et j'ai réussi. Et puis des villes comme Bangkok, Tokyo, Hong Kong, ça peut aussi être des métropoles qui évoquent facilement Blade Runner. C'est vrai. On n'a pas fermé les rues. On a été à Tokyo, par exemple, ou Bangkok. avec des gens qui étaient habillés de manière très futuristique. Voilà, on prenait les gens, on leur mettait des masques à gaz, et on avait des machines à fumer. Et en fait, on attendait simplement qu'il y ait beaucoup de gens dans la rue, et puis on balançait la fumée, les gens en costume, et le public, les gens qui regardent, ne voient que les 2-3 premières personnes qui sont habillés de manière futuristique, et quand ils ont vu ces trois premières personnes, le fait que tous les autres ne soient pas du tout habillés de manière futuristique, c'est pas grave. Il y avait au contraire des gens en costume qui sortaient du boulot, et ça marchait, ça fonctionnait. Et ce qui m'a surpris, c'est que moi je pensais qu'on allait avoir beaucoup de soucis, mais en fait non, parce qu'à Tokyo, personne ne vous regarde. Il y a beaucoup de cosplay, des gens qui sont habillés, costumés déjà de manière futuristique au Japon, donc finalement, tout s'est fait assez naturellement. Et puis ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, pour faire de la SF, il suffit d'aller dans le vrai monde. Mais ce film, il est visuellement bluffant. Comment vous pensez vos plans? Parce que faire des effets spéciaux de soi-même, donc ça change votre rapport à la mise en scène. Mais là, pour The Creator... Je pense que il faut avoir quelque chose de réel en face de la caméra. Et la clé, c'était ça. Pas faire semblant qu'il y a quelque chose sur un fond vert, mais c'est vraiment là. Même les véhicules. On avait de vraies voitures, de vrais camions. À chaque fois qu'on en voit un à l'écran, il est là. Après, évidemment, avec les effets spéciaux, eh bien, on le faisait de manière un peu plus futuristique. Mais le véhicule était là. Et c'était pas un cube vert. C'était déjà là. C'était du vrai, du dur. C'est mieux que tout faire sur fond vert avec des appareils verts. Gareth Edwards, on arrive vers la fin de cette émission. On vient de voir comment est née votre vocation pour le cinéma de science-fiction, comment vous avez justement parcouru dans différents styles de SF. Aujourd'hui, là, en 2024, est-ce que vous avez une idée de vers quoi votre cinéma va évoluer? Oh wow. I hope not. I think the fun of life is not knowing. Je n'ai pas d'idée. J'espère ne pas avoir d'idée dans l'immédiat parce que je crois que on trouve l'enthousiasme dans la vie avec les surprises de ce qui va se présenter. Quand j'étais enfant, j'avais ce fantasme à quoi ma vie allait ressembler. Et ce que j'ai maintenant, ben je suis très heureux de ce que j'ai. Et dans la vie, on est un peu comme un spectateur. On regarde le film de notre propre vie alors qu'il est en train de se dérouler. Et je ne veux pas connaître la fin dès maintenant. Je voudrais avoir des surprises. Est-ce que vous travaillez sur un film, un projet de film en ce moment dont vous pourriez parler? Quand j'étais dans le taxi vers le festival, à l'arrière de la voiture, j'étais en train d'écrire des idées et le chauffeur était en train de me regarder comme si j'avais un problème, manifestement. Et moi, j'étais en train de taper parce que j'ai eu une idée et voilà, j'ai tapé quelque chose. Alors, peut-être que je vais revenir au Festival de Jérémie avec ce film dans quelques années. Oui, bon, on ne peut pas en savoir plus. Ce sera un peu un film de science-fiction, c'est possible. Mais je suis très prévisible. Et je lisais dans une interview de 2023, vous dites « Les films de SF sont une espèce menacée. » Pour quelles raisons, selon vous? Je pense que ce que je disais... C'est que les histoires originales de science-fiction, c'est une espèce en voie de disparition parce que c'est tellement difficile de décider un studio à vous suivre sur une idée de science-fiction aujourd'hui. Je crois que les studios vont faire quelque chose tant qu'ils savent que le public attend cette chose. Et qui vont avoir de l'argent. Le public, c'est un peu comme une démocratie finalement. Et le public vote quelque part pour savoir qu'est-ce qu'il va voir dans les cinémas dans 2 ou 3 ans. C'est eux qui décident. C'est vous qui décidez. Et si vous allez voir un film en masse, alors ce genre de film, eh bien vous allez l'avoir au cinéma. Mais si vous avez une idée de ce que vous voudriez voir et que vous voyez quelque chose dans les films qui sort, allez les voir ces films-là et continuez d'aller voir les films au cinéma. C'est le meilleur moyen que vous avez pour vous assurer que vous allez avoir plus de films comme ça qui vont arriver à l'avenir. Justement, est-ce que ça fait écho aussi avec votre propre parcours ? Vous commencez avec du cinéma petit budget, du blockbuster, et puis vous repassez à un film indépendant avec The Creator. Yeah, I think it's like Je crois your first que girlfriend. C'est comme votre première petite amie, and you split up, et puis vous vous séparez. And then you go out with some really attractive vous allez avec quelqu'un différent, incroyable. Et puis à un moment donné, vous vous dites « Ah mais quand même, ma première petite amie, elle était mieux. » Alors vous l'appelez, vous dites « Je suis désolé. » C'est comme ça. C'est cyclique. Le premier film, on se dit « Ah, on peut faire mieux. » Et puis on fait autre chose. Et puis au final, on se dit « Quand j'avais moins de budget mais plus de liberté, c'était pas mal. » Donc, pour n'importe quel artiste, une des choses les plus difficiles, c'est un canevas vide, une toile vide. Quand on peut faire tout ce qu'on veut, ça vous paralyse. Et plus vous avez de contraintes, plus c'est excitant de trouver. C'est un sport quelque part. On s'attend pas à ce que vous gagniez. Alors, si vous finissez quand même par gagner, ça vous enlève toute la pression, parce que personne s'attend à ce que vous gagniez, mais vous vous dites, je vais gagner. Mais vous n'avez pas la pression. Vive la contrainte créative. Gareth Edwards, on est là au festival de films fantastiques de Gérard May. Quel regard vous portez sur l'actuel cinéma de science-fiction ? Est-ce que vous observez un renouveau, ou est-ce qu'il y a justement des choses que vous avez vues qui vous ont frappé récemment ? Yeah, I'm a real sucker though for science fiction of the past. J'adore les films de science-fiction du passé. Like I really love, for some reason, I love things from the 60s and the 70s. J'adore les films de science-fiction des années 60, des années 70. It's very hard for me to like things that. C'est très difficile pour moi d'aimer les choses nouvelles. Il y a quelque chose sur la science-fiction des années, des décennies passées, on a presque l'impression que ça nous parvient d'un autre monde. Et quand il y a trop de digital, de choses super neuves, etc., on a l'impression que c'est faux, mais pas dans le bon sens du terme. Mais récemment, c'est une bonne question. Je ne sais pas, je viens juste de terminer mon film. J'ai passé 2 ans et demi à regarder rien. Et du coup, hier soir, par exemple, le film qui a été projeté dans le festival, j'ai trouvé que c'était fantastique. C'était un film de vampire. En attendant la nuit. En attendant la nuit, Waiting for the Night. De la réalisatrice... Céline Rouzel, merci. Voilà, Céline Rouzel. Merci le public de votre assistance. Ne me demandez pas. Oui, un film de vampire. Yes. Yeah, I thought it was very, very good. Et sur justement les films du passé que vous aimez voir, revoir, ceux que vous pourrez nous conseiller. Vous pouvez regarder n'importe quel épisode de la quatrième dimension, c'est mon programme préféré. Mais si on parle de films de science-fiction, je dirais que c'est les films les plus connus quelque part, comme 2001, Odyssée de l'espace, La guerre des étoiles évidemment. Mais je crois que si je cherche quelque chose d'un peu plus original, il y a un très bon film qui vient de Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Quiet Earth, qui m'a captivé en tant qu'enfant, à propos d'un homme qui se réveille et c'est la dernière personne vivante sur la planète, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est devenu un fantasme pour moi, que ça m'arrive à moi. J'espérais avec la pandémie de Covid, mais non. Merci beaucoup Gareth Edwards. Merci à vous le public, merci. C'est parfait, merci. Parfait. Comme chaque jour, on retrouve la chronique Avec Science, la chronique d'actualité scientifique, signée Alexandra Delbo. Un nouveau comportement vient d'être découvert chez les bactéries. Certaines d'entre elles peuvent devenir prédatrices de leurs prédateurs. Parce que oui, il y a des prédateurs et des proies chez les bactéries. Comme dans tout le reste du monde vivant, les organismes unicellulaires forment des chaînes alimentaires. Et cet univers invisible pour nos yeux est extrêmement diversifié. Il faut imaginer qu'en extrapolant les données dont on dispose actuellement, la biodiversité bactérienne pourrait être de 1000 milliards d'espèces. Mais elle reste encore difficile à étudier. On connaît très mal ces réseaux trophiques, donc qui mange qui. Et jusqu'à présent, on s'attachait à les catégoriser un petit peu arbitrairement. Marie Vasse est chercheuse CNRS en microbiologie à l'Université de Montpellier. Parce que chez les bactéries, c'est difficile d'isoler et de travailler avec des bactéries qui sont décrites comme prédatrices. On en connaît assez peu et c'est un challenge technique de travailler avec elles dans le laboratoire. Donc, il y avait assez peu de connaissances, mais jusqu'à présent, on attribuait des catégories à ces bactéries. Il y avait les bactéries prédatrices et puis celles qui étaient leurs proies. Et donc, si on fait l'analogie avec les animaux, c'était à peu près pareil, dans le sens où on catégorise le lion comme un prédateur et la gazelle comme une proie. Et donc, ce qu'on essayait de faire, c'était de mettre en place des expériences où on pouvait essayer de comprendre comment les bactéries prédatrices devenaient des prédatrices et se comportaient en prédatrices. Donc concrètement, comment elles cherchaient leur proie, comment elles faisaient leur approche, comment elles les tuaient, comment elles récupéraient les nutriments ensuite, comment les proies, en revanche, elles essayaient de soit fuir, soit se protéger physiquement, en groupe ou individuellement, de leurs prédateurs. L'approche expérimentale de cette chercheuse est un petit peu calquée sur le monde animal. L'objectif est d'aller regarder comment les bactéries peuvent vivre ensemble et s'organiser en communauté. En l'occurrence, les deux espèces qui nous intéressent ici sont une proie très commune, Pseudomonas fluorescens, et une prédatrice, Myxococcus xanthus. Pour étudier cette prédation, il faut d'abord faire pousser, donc grandir, les bactéries séparément et puis les mettre ensemble et on attend en quelque sorte que l'une mange l'autre. Et ensuite, il faut reproduire, répéter les expériences, au moins trois fois généralement en biologie, et c'est là que ça se corse. Marie Vasse fait donc les deux premières expériences de prédation, en mettant l'une et l'autre ensemble, et ça donne des résultats identiques, et puis elle part vers un autre poste, et une autre chercheuse reprend la manipulation. C'est assez courant, mais là, rien ne se passe comme prévu. La bactérie prédatrice a disparu, et la proie a bien poussé. Alors, les deux chercheuses tentent de comprendre s'il y avait des variations dans leur protocole expérimental. Elles refont l'histoire, elles refont la manipulation ensemble, en visio, à distance, et elle trouve un seul et unique écart qui paraît banal. La seconde chercheuse a laissé 24 heures la proie sur le bord de la paillasse à température ambiante au lieu des 32 degrés habituels parce qu'il n'y avait simplement plus de place dans l'incubateur. On a pas mal rigolé quand même en se disant c'est très probable que ça soit pas ça, mais bon, on va quand même essayer de voir si juste la température à laquelle on fait pousser notre bactérie avant même de la mettre en présence de la bactérie prédatrice peut expliquer nos résultats complètement différents. On a écrit un protocole pour se poser cette question-là. En fait, on a changé de question de recherche et on a répété l'expérience. Et à 32 degrés, Myxococcus xanthus est le prédateur. Il tue et il se nourrit de Pseudomonas. Et quand Pseudomonas pousse à 22 degrés, avant même d'être mise en présence de Myxococcus à 32 degrés, puisque cette interaction, elle se fait toujours à 32 degrés, et ben Pseudomonas élimine entièrement ce qui était avant son prédateur. Elle le tue complètement, il reste aucune cellule détectable pour nous de Myxococcus xanthus, et c'est pas seulement qu'elle le tue, mais elle se nourrit de ses nutriments et elle peut se reproduire. C'est donc la combinaison de tuer et de se nourrir de ses victimes, c'est de la prédation. Imaginez une gazelle, proie le matin, qui part chasser le lion le soir. C'est la toute première fois qu'un tel revirement complet de chaîne alimentaire à cause d'un simple changement de température est mis en évidence. Et pas seulement dans le monde microbien, mais dans le monde vivant entier. Et tout ça à cause d'un embouteillage à la paillasse, sérendipité mon amour. Il y a même un début d'explication biologique. À température ambiante, Pseudomonas sécrète des molécules toxiques dans son milieu. La question qui se pose à présent, c'est la nature de ces substances, mais plus largement, les résultats de cette nouvelle étude parue dans PLOS ONE tentent à remettre en cause cette vision un petit peu cloisonnée des catégories bactériennes, proies ou prédatrices, et ils invitent même à changer notre regard sur ce qu'est la prédation dans le monde microbien.